En Corée, la cérémonie de clôture de l'exposition des produits intellectuels qui a été ouverte le 20 dernier a eu lieu le 28 juillet au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part Cha Tae-bok, vice-président du comité central du Parti travail de Corée, les cadres intéressés, les scientifiques, les techniciens et les inventeurs. On y a publié le résultat du jury et remis les coupes et diplômes aux unités scientifiques, techniciens et travailleurs qui ont mis au point de meilleurs projets scientifiques et techniques. Ensuite, on a conféré les médailles d'inventeurs et brevets envoyés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle aux inventeurs qui ont mis au point le projecteur de LED au réflecteur auxiliaire et la synthèse et la préparation de l'isodronate et son utilisation.